Tout de suite et jusqu'à 14h, c'est Histoire Vivante. En nouvelle diffusion. 6, 5, 4. Jean Leclerc 3, et Frédéric Pfeiffer 2, vous proposent 1, Histoire Vivante. 0. En 1953, 16 ans avant Neil Armstrong, Tintin a marché sur la Lune. Le monde n'est pas assez pour Tintin. Il faut encore aller sur la Lune pour étendre le domaine de l'aventure. Les mots que prononce Tintin, ça y est, quand il pose le pied sur la Lune, j'ai fait quelques pas, sont à deux, trois détails près. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, ce qu'Armstrong emploiera. On a marché sur la Lune. Cette semaine, la conquête. Peu importe qu'on soit sur la Lune ou aux confins de la planète Terre, XFLR6, Mercury, Gemini et autres Apollo. Pour Hergé, il s'agissait d'éprouver l'humanité de Tintin. Quelques histoires de Lune. Allô, allô. C'est une œuvre qui est véritablement construite sur la quête du bien. Ici la Terre. L'objectif Lune, et on a marché sur la Lune, on fait naître des vocations. J'appelle fusée lunaire. De scientifiques, de techniciens, voire d'astronautes. Heureusement que les Dupont viennent foutre le bordel. Bonjour Michel Poret, comment allez-vous? Bonjour Jean Leclerc, je vais bien, merci. Cette nouvelle invitation. Oui, bah, je sais que vous êtes toujours sur la braise, donc on va faire relativement vite. Mais enfin, peut-être les gens ne le savent-ils pas, mais non seulement vous êtes historien, un brillant 18e-iste qui fabriquait derrière vous une école de jeunes chercheurs, désormais de moins en moins jeunes, spécialisés dans le 18e, mais mettons de côté le 18e, et puis intéressons-nous à un de vos nombreux violons d'Ingres, bah, c'est Tintin. Vous êtes, qu'est-ce qu'on peut dire, un tintinologue, un tintinophile? Je suis un amateur de bande dessinée, par plaisir et par retour un tout petit peu dans le paradigme d'une histoire culturelle, notamment à ce qu'on peut appeler la bande dessinée ou le mot savant, la figuration narrative classique de l'école franco-belge, c'est-à-dire quelque chose qui commence dans les années 30 et qui poursuit un mouvement extrêmement intéressant, disons jusqu'aux années, moi ce qui m'intéresse un peu, c'est jusqu'aux années 80. Et évidemment, dans cette énorme production d'images, de mots, cette énorme production de signes, de magazines, d'albums, il y a une œuvre majeure qui occupe une centralité très importante, c'est évidemment l'œuvre d'Hergé, et notamment les aventures de Tintin, dans leurs deux périodes de couleur, enfin dans leurs deux périodes chromatiques, la période en noir et blanc, la période en couleur, au fil de réédition. Donc évidemment, il y a cette attention très forte sur le reporter sans plume. Alors là, j'entends l'adulte, l'historien, le chercheur. Je vais aller fouiner un petit peu et faire des retours en arrière. C'est l'enfant qui découvre Tintin, c'est l'adolescent. Votre première fois, elle se passe où et comment, si ce n'est pas trop indiscret? En venant vous voir, Jean, ce matin, j'ai un peu passé en revue mes 2 mètres d'albums de Tintin, et j'ai retrouvé effectivement le premier album que j'ai reçu, qui est dans un très très mauvais état, les 2 premiers albums que j'ai reçus, en 61 et 62, dont les titres sont Tintin au Tibet et Le Temple du Soleil. Alors évidemment, c'est à ce moment-là certainement qu'il a dû se constituer, mais pas aussi clairement qu'on peut le reconstruire après, mais qui a dû se construire une adhésion, on pourrait dire émerveillée. Ces 2 albums, évidemment, qui ont la même thématique d'ailleurs, hein, c'est l'empathie. Aller sauver quelqu'un, aller sauver un ami, aller sauver un autre ami qui est détenu par le Yeti. D'une autre race. D'une autre race, avec une altérité culturelle absolument extraordinaire, même si évidemment l'album reproduit aussi certains clichés de la culture occidentale sur à la fois le Pérou et sur le Tibet, mais effectivement, il y a eu une sorte de marquage affectif ou sensible autour de ces 2 albums, peut-être moins la figure de Tintin qu'un ensemble, qu'une ambiance, que l'aventure, que l'exotisme, la mise en image d'un exotisme extraordinaire. Ce sont 2 albums très exotiques. Peut-être le 3e album aussi exotique que Tintin au Tibet et Le Temple du Soleil, c'est L'Oreille Cassée, hein, qui est au milieu des années 30, qui est une extraordinaire initiation à la pensée magique, au totémisme, avec une couverture qui faisait rêver les enfants, hein, la rivière avec Tintin et le piroguier qui descend parmi les arbres, etc. Donc je crois qu'il y a eu pour des petits-enfants suisses qui étaient assez malheureux dans leur vie quotidienne, pour des tas de raisons, eh bien il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'un émerveillement, d'une découverte d'un exotisme, et certainement le marquage s'est fait à ce moment-là. L'adhésion au système, le plaisir à regarder ces images, à les lire progressivement et à leur donner un sens. Et après, la recherche des autres albums avec cette idée qu'il y avait une famille qui se constituait, une famille d'images, une famille de mots. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir très dramatique dans cette quête d'une famille de mots autour d'Hergé. Ça doit être quelque part vers 1964 ou 65, j'avais 10 ans. On m'a fait croire qu'il y avait un Tintin qui n'existait pas, qui s'appelait Tintin dans le Haut-Adige. Et pendant des semaines et des semaines, en culotte courte, j'étais dans un village du Jura neuchâtelois, je courais régulièrement dans la seule papeterie-librairie du village pour demander, mais qu'est-ce qu'il en est de ce Tintin en Haut-Adige? Donc c'était un mensonge qui m'a énormément attristé, mais qui montrait à quel point cet imaginaire d'Hergé envahissait d'une certaine manière l'imaginaire des lecteurs enfants qui suivaient les aventures du reporter sans plomb. Hello, hello, le passager en destination de Calais. Oh, tenez, venez, nous allons demander à cette hôtesse de l'air. Pardon, mademoiselle, l'avion pour Katmandou, s'il vous plaît. Katmandou, oui. Le départ a lieu cet après-midi à 14h35, avec escale à Patna. 14h35, parfait. Ça nous laisse largement le temps de déjeuner. Sans doute, mais l'appareil de Katmandou part de l'autre aéroport, celui de Willingdon. Aïe. Ah oui, mais le car de la compagnie peut vous y conduire, mm-hmm. À moins que, pardon. Eh bien, peut-être préférez-vous mettre ces 3 heures à profit pour visiter la ville. Elle en vaut la peine. C'est une bonne idée. Soyez à l'aérodrome à 14h. Vous y retrouverez vos bagages. Merci beaucoup, mademoiselle. Ouais, nous allons suivre votre conseil et visiter la ville. Merci. Au revoir, mademoiselle. À votre service, monsieur. Cet attachement tout au long d'une vie est-il pour vous, Michel Poret, vis-à-vis de Tintin, ou disons plus largement de l'œuvre ou des albums, permanent, intermittent, comme par vague? Comment se déroule-t-il? Et si jamais vous arrivez à deviner, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on revient, vous revenez vers les albums? Oui, c'est une très bonne question, et c'est une question, je trouve, que on peut poser finalement avec toutes les lectures initiatrices. Que ce soit la bande dessinée, que ce soit le roman d'aventure, que ce soit lorsque j'avais 15 ans, comme beaucoup d'adultes d'aujourd'hui, par exemple les aventures inépuisables de Bob Moran, je crois que c'est quand on retourne, simplement, je ne parle pas pour des problèmes de travail, de mise en scène, de sémiologie, de ces albums, on pourrait y revenir, mais quand on retourne vers la lecture gratuite, alors évidemment on peut dire que il y a un phénomène proustien de remémoration des moments lumineux dans des journées d'enfance, mais il y a quelque chose de très intriguant, c'est-à-dire qu'on arrive presque à se remettre dans l'attente du bonheur qu'on avait lorsqu'on était enfant. Et lorsqu'on lisait ces albums dans des après-midi de congé, il y avait une espèce d'insouciance absolument extraordinaire de la vie qui n'était pas encore là et dont on avait une attente totale, existentielle. Et quelquefois, en relisant ces albums, en regardant les pages, il y a tout un aspect presque matériel, érotique, hein, dans les albums d'Hergé. C'est pour ça que moi, je suis pas très amateur des rééditions contemporaines, où le papier est glacé, les couleurs sont écrasées, ce n'est plus de l'héliographie, donc c'est un autre système technique. Mais quand on retourne vers les albums de l'enfance, ensuite de l'adolescence, eh bien, il y a ce contact physique aussi, d'une lecture physique, qui remémore ce qui, évidemment, n'est plus possible de vivre ou d'atteindre, c'est-à-dire ce moment où on attendait tout de la vie, et on lisait les aventures d'un personnage qui nous montrait, d'une certaine manière, la complexité même de ce qui était la vie d'un, ce qui allait arriver. Mais c'est joli, non? Tu tiens mal ton panier, muchacho. Bruit, vous n'avez pas honte? De quoi tu t'es mêlé, toi? Tu aurais ta prendre. Ça suffit, Minou! Ici! Comme tu es courageux, Zorino est ton ami maintenant. Et pour toujours, Seigneur Tintin. Tu connais mon nom? Oui, et encore beaucoup d'autres choses. Yo sais même qui tu cherches. Le professeur Tournesol? Tu sais où il est, toi? Oui. Écoute. À 10 heures de marche après le pont de l'Inca, il y a une chulpa, un vieux tombeau indien. Viens là cette nuit, avec tes amis. Yo t'y attendrai, et yo te le dirai. Au-delà des albums, diriez-vous que c'est aussi certaines thématiques qu'on a besoin ou à cœur de retrouver, qui sont développées dans l'œuvre d'Hergé? Alors, ça c'est une question aussi extraordinaire, parce qu'en fait, quand on ouvre un album, Hergé, les aventures de Tintin, c'est l'imaginaire de l'aventure. C'est l'imaginaire de l'aventure dans tout son déploiement géographique, d'abord, c'est une œuvre cosmopolite. Le monde, pour paraphraser un film de James Bond, le monde n'est pas assez pour Tintin. Il faut encore aller sur la Lune pour étendre le domaine de l'aventure. Donc évidemment, il y a la problématique de l'aventure, de cette espèce d'éthique, finalement, dans l'aventure, qui est une autre thématique qui, moi, m'intéresse énormément. Je rêve depuis longtemps de faire un petit essai là-dessus, j'ai pas encore le temps de le faire. C'est la quête du bien. C'est une œuvre qui est véritablement construite sur la quête du bien. De A à Z, on ne peut pas quitter ce paradigme. Alors, maintenant, ce paradigme, évidemment, de la quête du bien, de la constitution d'un monde meilleur, hein, les méchants dans les Tintins sont vraiment des criminels cosmopolites qui ont un système, pensez à Rastapopoulos, pensez au docteur Muller, pensez à tous ces grands forbans internationaux, donc qui ont une structure de criminalité associative extrêmement forte, et contre laquelle ce personnage, qui est pas très intéressant lui-même, qui est pas très intéressant ni graphiquement, ni moralement, etc., mais qui est un principe visualisé de cette quête du bien, qui essaye de remettre de l'ordre dans le monde entre l'extrême-orient des premiers albums jusqu'à cet extraordinaire album qui est Coq en stock, la poudrière proche-orientale qui est dans cet album le cadre d'un trafic d'esclaves, etc. Donc je crois qu'il y a cette thématique de l'aventure, mais une aventure qui évidemment marche dans ce paradigme de rechercher le mieux, de rechercher le bien, avec évidemment des tas de conventions morales exportées dans l'album par la culture catholique, la culture conservatrice, la culture belge de Hergé. Mais une fois qu'on a admis ce contrat narratif, ce contrat esthétique, je crois qu'on peut tout simplement se plonger dans ces aventures. Eh bien, capitaine, quel est le problème ? Ce n'est pas normal, tout est trop calme. Vite, allons voir ce qui se passe. Tonnerre de Brest, le feu à bord. Naufrageurs, flibustiers, sauvages de pirates. Vous nous avez sauvé la vie. Vous n'êtes pas comme ceux qui nous ont enfermés. Comment ont-ils pu faire ça? Vous parquez à fond de cale comme des... Comme des esclaves. Ils nous avaient promis de nous amener à la Mecque. Nous sommes pauvres et ils nous ont pris toutes nos économies. Regardez, ils reviennent. Certaines thématiques ressortent de manière, je dirais, très ponctuelle. Il y en a une qui m'intéresse maintenant, mais elle m'intéresse parce que c'est un résultat peut-être de ma spécialité. Je suis en train de terminer un article sur crime et châtiment dans l'œuvre d'Hergé. Donc il y a effectivement cette entrée très intéressante sur la police, sur le crime, sur les formes de criminalité. On peut presque dire, pour résumer cette dernière partie, et Hergé le fait dire plusieurs fois dans les albums, c'est un émule de Sherlock Holmes. Évidemment, en laissant de côté le côté sombre de Sherlock Holmes, c'est-à-dire la drogue, le côté pessimiste, le côté misanthrope, Sherlock Holmes, je suis en train de relire les aventures de Sherlock Holmes avec... Et le violon. Le violon, donc tout ce qui fait que Sherlock Holmes est un personnage un peu crépusculaire de l'époque victorienne, mais il y a chez Tintin, et d'ailleurs, plusieurs fois, Milou lui dit, mais arrête de faire ton Sherlock Holmes, hein, dans les cigares du pharaon, c'est aussi dans les sept boules de cristal, lorsqu'on a kidnapping, qui est une des grandes thématiques dans l'œuvre d'Hergé, kidnapping, ils sont quelque part dans la forêt, et Tintin se baisse et regarde des traces de peinture, on est presque dans un traité de criminologie, et Haddock lui dit, mais voilà encore qui fait son Sherlock Holmes. Donc il y a cette thématique que moi j'aime beaucoup de l'enquêteur, de la trace, du signe, qui va très très loin d'ailleurs. La couverture de Tintin en Tibet, qui est le seul album de toute la série où il n'y a pas de figure du mal, où tout est résolu dans une espèce de conflit, de dépassement, d'exploit héroïque de la nature, de vaincre le froid, de vaincre la montagne, de vaincre les superstitions. Vraiment, c'est une quête de la liberté dans la montagne. Eh bien, la couverture, c'est un traité de criminologie. Vous avez une couverture blanche, les protagonistes, Haddock, le guide Tarquet et Tintin, Milou, et puis, dans la neige, les traces du Yeti qui mènent vers l'horizon. Peut-être pourrait-on dire que le seul mal dans Tintin au Tibet serait la peur que l'être est capable de produire à l'intérieur de lui-même. Oui. Plus à droite, capitaine. C'est effectivement la peur intérieure. Assurez-vous. Malheur, il dévisse. Grâce à vous, je l'ai échappé belle. Dites-donc, comment allez-vous faire pour me hisser jusqu'à vous? Impossible, capitaine. Mes forces diminuent. Le froid me paralyse. Haddock, lorsqu'il a dérapé, on rappelle de montagne, il est suspendu à la corde et que la corde est tenue par Tintin, eh bien, Haddock décide de couper le fil, c'est-à-dire de vaincre la peur de la mort et de couper le fil pour libérer son ami. Nous nous sauverons ensemble ou nous mourrons ensemble. C'est malin ce que vous dites là. Mieux vaut une seule victime que deux, non? Coupez cette corde, Tintin. Et jamais, vous m'entendez, jamais. Jamais je ne ferai ça. Eh ben, je le ferai moi-même avec mon canif. Capitaine! Ce sera vite fait, ne regardez pas, fiston. Capitaine, je vous en conjure! Adieu, fiston. Non, capitaine, non! Donc c'est vraiment une œuvre très curieuse dans l'altruisme. Au moment où Hergé est en une de ses nombreuses périodes de psychanalyse, est-ce que vous avez déjà fait des folies, vous, Michel Poret, pour, alors j'allais dire Tintin, ou les albums, ou les œuvres, enfin que sais-je, prenez ça comme vous voulez, est-ce que... Je suis un petit peu, enfin, dans cette, je fréquente de très loin les vrais cercles tintinophiles. Le vrai cercle tintinophile, c'est une secte. Donc vous vous en méfiez? Je m'en méfie pas, je lis un peu ce qu'ils font, mais je suis pas tout à fait... Et par rapport à la folie, moi ce que j'aime le plus, c'est pour ça que vous voyez que mes albums ne sont pas en très bon état, contrairement à des véritables collectionneurs qui recherchent l'album dans l'état où il est paru le 15 octobre 1956, moi j'adore trouver les albums de Tintin dans les endroits les plus saugrenus. Le marché aux puces, les vides-greniers, Caritas, etc. Moi, j'aime les retrouver dans l'état où ils ont vécu. Hein. On pourrait presque dire que si on faisait une histoire matérielle d'un album de Tintin, il y a une histoire matérielle de son utilisation sociale qui est extraordinaire en fonction des gros tirages de ces albums. C'est les traces des lecteurs, les traces des enfants, les noms des enfants, les marquages. Quelquefois, il y a des coloriages dans la marge. Quelquefois, un enfant ou peut-être un adulte, je sais pas, découper une case, etc. Donc moi, j'aime plutôt ce type d'objets matériels. Ils sont beaucoup plus fragiles, évidemment, mais ils portent en eux, hein, comme une encyclopédie Diderot d'Alembert du XVIIIe siècle qui était lue et relue par des générations de lecteurs. Ils portent, oui, cette épaisseur sociale qui montre à quel point, et c'est ce qui nous ramène peut-être au début, l'impact de ces images dans la culture européenne entre 1900, disons, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui est gigantesque. Lorsqu'on sait que ces aventures étaient dans le support de l'hebdomadaire Tintin, ont connu des rééditions permanentes, que Hergé était un immense créateur du para-objet autour de Tintin, les fanions, les objets, les affiches, les extraits, la publicité, etc. Donc il a géré ça d'une manière assez extraordinaire. Il avait compris certainement qu'il y avait un rapport entre l'usage social dans d'autres médias que la simple bande dessinée et que finalement ce qu'il avait inventé avec ce paradigme de la ligne claire, qui est bien discuté maintenant, et bien que ce paradigme de la ligne claire s'offrait comme un support à beaucoup d'autres discours. Le doute, la demi-teinte, ça n'existe pas chez Hergé. D'un point de vue graphique, ça va d'ailleurs si loin que dans les dessins d'Hergé, on ne trouve pas d'ombre. Chaque scène, chaque case est parfaitement éclairée. Avec cette grande clarté du trait, les dessins se rapprochent presque, au final, de la pureté du signe. Les signes, les pictogrammes, sont des éléments universellement compréhensibles. À mes yeux, il a inventé quelque chose qui tient d'un langage universel par l'image. C'est la raison pour laquelle ces bandes dessinées peuvent être lues dans le monde entier, dans les cultures les plus diverses. Il est frappant de voir, par exemple, encore, la manière dont Hergé, par ses agences, etc., a pénétré d'autres publications au Portugal, en Italie, en Espagne, en Suisse, évidemment. Donc il y a véritablement une œuvre qui a imposé un univers, qui a imposé un univers graphique, et qui a imposé un univers moral, mental, c'est-à-dire on revient sur ce point de départ, ce personnage finalement qui n'est pas très intéressant lui-même, mais qui anime un principe de justice. Les bohémiens sont les coupables, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce n'est pas parce que ce sont des gitans que vous avez le droit de les soupçonner. De toute façon, je parie ce que vous voulez qu'ils se sont déjà enfuis. Non, je n'en crois rien. Oh, eh bien, qui est-il? Oh, ils sont partis. Et pourtant, hier soir, je les ai encore aperçus. Je vous l'avais bien dit, Tintin. Ils ont déguerpi avec l'émeraude. Mais ils n'iront pas loin, leur compte est bon. L'émeraude n'est pas ici. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Nous ne sommes pas des voleurs. Ah, et ces ciseaux, d'où viennent-ils? Ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Ils sont à moi. Je les ai trouvés. Trouvés? Ah oui, vraiment. Volés, tu veux dire. Ils appartiennent à Madame Irma. Absolument. Le vol nous a été signalé. Je vous dis que je les ai trouvés. Sous un arbre, près de la forêt. Vous n'avez pas le droit de me les reprendre. Voyez, cet objet est un objet volé. Et l'émeraude n'est certainement pas loin. Mon vieux Milou, je continue à croire les tziganes innocents. J'ai encore examiné la façade, même un singe aurait laissé des traces d'escalade. Qui donc a bien pu voler l'émeraude? On peut s'étonner que jusqu'à aujourd'hui en tout cas, Hergé, son travail, son immense production et immense inventivité n'aient pas été l'objet d'un film. Qu'Hergé lui-même, héros, n'ait pas été porté, jusqu'à présent en tout cas, comme un héros central, parce que c'est un personnage fascinant à suivre, compte tenu, mais on pourra aussi l'aborder, que sa vie, c'est pas du tout de la ligne claire. Il y a des zones sombres, des zones chaotiques, récurrentes. C'est un dépressif chronique. Autant dire, c'est un personnage, comme le cinéma américain sait s'emparer de ce genre, je pense à Tucker et autres, le cinéma américain sait s'emparer de ces brillants personnages. On pourrait faire un biopic, effectivement, je pense assez brillant sur Hergé. Maintenant, qui n'a pas des zones d'ombre? Qui n'a pas des zones ténébreuses? Vous avez des zones d'ombre, vous? Tout le monde a des zones d'ombre. On a tous des parts d'ombre, hein, je pense à cette très belle phrase qu'utilise un auteur de polar américain autour du Dahlia noir. Je pense qu'on a tous des parts d'ombre terrifiantes dans nous. Et en fait, les surpasser, en ressortir, nous permet d'avancer. Et si on fait un peu de la... Moi, je suis pas très chaud de scruter au millimètre la biographie d'Hergé, tout le temps, comme on le fait de plus en plus, d'ouvrir un album et de dire, tiens, là, effectivement, il y a une autonomie quand même créatrice, il y a une autonomie narrative par rapport à l'œuvre. Et moi, j'aime beaucoup cette autonomie narrative. Évidemment, il y a un rapport très fort, notamment... On va pas rouvrir tout le dossier politique qui est très très compliqué, notamment pendant la période très sombre de l'occupation de la Belgique, la collaboration, etc. Donc il y a des zones d'ombre terrifiantes. Peut-être que la ligne claire, hein, un peu comme chez Hitchcock, Hitchcock était aussi un immense dépressif, peut-être que cette ligne claire c'est une espèce de réparation de ces zones d'ombre. Mais au-delà de ça, c'est un personnage qui est assez typique finalement, quand je discute avec des amis belges, de l'homme belge qui a traversé une histoire du XXe siècle extrêmement compliquée, écrasé par une culture catholique, qui s'en est autonomisé petit à petit, et qui a utilisé, ou qui a su utiliser, ce qui est véritablement, et vous le savez bien Jean, une des caractéristiques culturelles extraordinaires de la Belgique contemporaine, c'est le graphisme. C'est la publicité, c'est le surréalisme, c'est le cinéma, c'est une ville, c'est une civilisation du graphisme dans le sens très noble. Je pense que Hergé s'est parfaitement intégré. Alors évidemment, les étapes ne sont pas les mêmes. Les albums d'essai, d'art et d'essai, d'une certaine manière, que sont les soviets, le Congo, l'Amérique, ou le graphisme, est encore encombré du graphisme d'autres livres que Hergé connaît. Et après, avec cette autonomisation de l'adulte, eh bien, je pense qu'à partir du Lotus Bleu, on entre dans quelque chose qui est une autre époque, et qui va lui faire... Alors là, on revient à la mélancolie, peut-être, on revient à la dépression, va lui faire construire une œuvre avec cette idée... presque rousseauiste, du contrôle total sur le produit. Total, c'est-à-dire que tout doit avoir passé par son propre regard et sa main, même si petit à petit, évidemment, l'entreprise Hergé devient une entreprise collective. Hein. On le sait bien maintenant, avec un studio, etc., des coloristes, Bob Demour, Jacobs, Martin, etc., qui sont là pour aider, parce que ça devient ingérable. Il y a même des époques où sa dépression... ne lui permet pas de continuer simplement à dessiner les albums que l'hebdomadaire Tintin réclame, par exemple, le Temple du Soleil. Mais je crois qu'il y a ce côté, peut-être, effectivement, de quelqu'un qui avait peut-être une telle angoisse de la perfection créatrice qui fait que ça a dû jouer avec quelque chose qui est de l'ordre d'une existence. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi, à un certain moment, il passe d'une femme à une autre, etc. C'est pas ça. Je pense que ce côté... angoissé et mélancolique est beaucoup plus profond dans l'œuvre d'Hergé. D'ailleurs, l'adulte qui replonge dans l'enfance d'une certaine manière à chaque fois. Il démarre Hergé adolescent quand il commence. Oui. Et puis évidemment, il prend de l'âge, c'est pas une invention. Mais il continue de se tourner vers l'enfance. Oui. Et c'est vrai que Tintin, c'est un personnage qui a quelque chose de l'ordre d'une éternisation, d'une étape de sortie de l'enfance, disons. Il y a un autre mot que je voudrais vous proposer, Michel Poret, parce que c'est en vous entendant que cela me vient, c'est le thème de la fidélité. Fidélité dans la relation Hergé et son immense lectorat, fidélité tout de même souvent réciproque, car les lecteurs sont de grands fidèles, et pas seulement parce qu'ils obéiraient aveuglément à la formule bien connue, 7 ans, 77 ans. Fidélité, parce que le compagnon le plus proche de Tintin, c'est évidemment ce fox terrier à poils blancs. Fidélité avec le cercle des amis. Qu'est-ce que vous faites avec ce terme de fidélité? Est-ce que il vous paraît bienvenu? Alors, je pense qu'il y a une double fidélité. Ou il y en a une qui est peut-être une infidélité. Alors commençons par la première, je pense que c'est la matrice du marquage, hein, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à un retour permanent, à disons, des lectures, des découvertes. Voilà. Et puis il y a la deuxième thématique de la fidélité, qui est en fait une forme d'infidélité, et qui d'ailleurs, je trouve, devient quelquefois un peu compliquée, c'est l'exégèse qui existe maintenant, qui est devenue une entreprise commerciale énorme, hein, la réédition, le moindre dessin, le moindre croquis, toutes les versions, etc. Parce qu'il y a quelque chose d'étrange, et moi c'est aussi quelque chose que j'ai un peu un malaise avec ça, c'est cette tentative contemporaine, et c'est pour ça que je dis que c'est une infidélité à l'imaginaire, d'aller rechercher le moindre détail qui fait sens dans le réel, aller chercher la moindre erreur que Hergé aurait commis graphiquement, je vous donnerai deux exemples maintenant. Donc il y a une forme de fidélité, aller rechercher l'infidélité pour montrer à quel point il y a une intelligence extrême maintenant dans la relecture de Tintin, parce qu'on voit d'une certaine manière le cordage, le tressage, le schéma qui est dessous, qui n'est peut-être pas achevé. Il y a un article qui est apparu il y a quelques mois dans une revue spécialisée sur Hergé, où quelqu'un fait un article absolument invraisemblable sur la fusée lunaire, où il montre toutes les erreurs graphiques, les échelons qui sont pas au même endroit selon les, etc., les carrés qui, le nombre de carrés qui change, etc. Il y a un énorme article comme ça de 4 ou 5 pages, et c'est les deux éléments qui m'ont le plus frappé, qui nous parle moins d'Hergé, mais qui nous parle de l'imaginaire de cet exégète qui veut montrer qu'il domine parfaitement le système narratif et qu'il envoie les impératifs. Je viens de lire un autre petit article, qui est un article sur le Lotus Bleu, où un tintinologue jubile parce qu'il découvre que entre les versions noir et blanc et en couleur du Lotus Bleu, hein, puisqu'Hergé va refaire les premiers albums au paru en noir et blanc, il va les refaire en couleur après chez Casterman pour en faire une œuvre d'une diffusion universelle, eh bien, dans le Lotus Bleu, il y a des incohérences, et moi ça m'intéresse pas en fait. Dans une case, c'est écrit « Au Lotus Bleu », dans une autre case, c'est écrit « Le Lotus Bleu », dans une troisième case, c'est écrit « Lotus Bleu », et en fait, on fait un article de 8 pages, pour montrer, je dirais, l'inattention. Donc on est infidèle, d'une certaine manière, à ce qui reste quand même le point nodal qu'il faut garder en tête en lisant les aventures de Tintin. C'est un imaginaire. C'est quelque chose qui est de l'ordre du poétique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du narratif, et c'est pas une entreprise de mimétique du monde réel. Et il y a une tendance extrêmement dure, maintenant, dans la critique ou dans l'exégèse d'Hergé, qui me met mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on va chercher la mimétique absolue du réel, du social, du politique, de l'image, etc. Et moi, je trouve que c'est un tout petit peu dommage, parce que ça reste un créateur qui est porté, alors qu'il était un obsessionnel, évidemment, dans le produit final. Il revoyait les... Une fois, j'étais allé à la Fondation Moulinsart, et il y a un mur, quelque part, à la Fondation Moulinsart. Il y a 900 émissions, 920 ou 930 émissions des albums, qui ont tous une petite variante, que ce soit dans la couverture, dans le quatrième, dans la couleur, etc. Donc il était obsessionnel de perfection. Et on prend cette obsession pour maintenant faire une exégèse gigantesque pour aller montrer qu'effectivement, le char d'assaut qui est sur l'affaire Tournesol, eh bien, par rapport au modèle qui circule à ce moment-là, l'antenne est déplacée, etc. Et je trouve un tout petit peu dommage. Michel Boré, on se retrouvera demain pour poursuivre cet entretien. Vous avez intérêt à réviser vos Tintins parce que ça commencera par un redoutable quiz de façon à quand même vérifier votre légitimité à ce micro pour parler de Tintin. À demain, donc.